Quelques notes sur un piano, quelques mots sur des brouillons, ton regard dans un métro, ton image, un tourbillon. Quelques rencontres un peu bizarres, quelques envies dans le brouillard. Cette vie n'est pas la mienne, cette envie n'est pas la tienne. C'était juste un peu d'amour, jusqu'au petit jour. C'était juste par envie, pour toi quelques nuits. C'était juste un peu d'amour, chaque heure, chaque jour. Cet océan sans fond et pour moi sans fin. Quelques balades trop tristes, quelques endroits, d'autres pistes. Cette histoire qui n'en finit pas, cette histoire en rira. Comme un phare perçant les cieux, pour guider la barque en dérive, je me suis accroché à tes yeux, à tes yeux. C'était juste un peu d'amour, jusqu'au petit jour. C'était juste par envie, pour toi quelques nuits. C'était juste un grand amour, chaque heure, chaque jour. Cet océan sans fond, pour moi sans fin. Juste un peu d'amour, oh, oh, oh, oh. C'était juste un peu d'amour, jusqu'au petit jour. C'était juste par envie, pour toi quelques nuits. C'était juste un grand amour, chaque heure, chaque jour. Cet océan sans fond, pour moi sans fin.